Alors on perd fort, comme si demain on dépendait. Quand la chimie prend forme, t'es pas le seul à demander. Mais comment font-ils? Sont-ils sous, sont-ils sourds pour mettre le son si fort et tout brûler tout autour? C'est le clan qui fait tourner les têtes. Et quand le show commence, la foule est stupéfaite. Et puis c'est pas des fables, c'est nos vies sur la base de ce son redoutable. Entre le zen et le zen, quel plan? Dans les îles comme les agouts du tag au tag, on a l'instinct des jacques, des cons, des loups. On est dans toutes les pattes, les bons, les mauvais. Cool, coupe du champ pour couper un ton con. Le coup de rein qu'il faut, j'ai ton micro. Amateur, taïku, coup de lettre et couche tout. Je fais de rap, fuck et peur. On ne veut pas avoir l'air stupide, mais performer sur piste. Faire bouger les têtes et puis créer l'effet sur piste. C'est le clan zinzin, toujours sincère. On prend la zik avec des pincettes, et chez qu'on mérite 10 sur 10. Allez, basta, en voilà sauce qu'on passe au casal qu'on s'installe. Histoire de nous mettre sur un pédestal, marquer les esprits de notre instinct bestial. On est tout ce qu'on a, car chacun de nous est très spécial. Ton cerveau et tes fesses sur ce son brut qui transperce tes boules qui est. Mais qui est ce qui débarque en équipe? Mais qui peut lutter contre ça quand on y met notre rime? Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle ou qu'il neige, le clan d'un trama s'est embarqué sur son manège. Approchez-vous, y'a le feu près de chez vous. Lâchez-vous, car ce soir on est chez nous. Allez, bouge ton fion et suis ton front. Ensuite, dans l'oreille, fais suite à l'appareil qui débite sur le son. Récite la leçon apprise auprès de l'équipe dans la sueur. Et le temps, c'est le clan zinzin qui fait bouger les têtes. Avec DJ, le public fait la fête. On dit ciao et t'incite à revenir bientôt. Car c'est le chaos sur le beat. Laisse tourner le son, que je puisse donner le temps, assommer les camps, et puis sauver le trône. Je sors de l'ombre, je porte ce nom, avec l'équipe à mes côtés pour forger le nom. Apporter le bon, exploser pour de bon. Aujourd'hui plus question, de bon c'est pour de rond. Alerte état le KGB et les fédéraux, car quand on arrive sur scène, le public fait les bons. C'est le clan zinzin, qui fait bouger les têtes, le public fait les bons. C'est le clan zinzin.